الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue dans la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Amdat al-Ahkam, un livre de Al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait entamé l'explication de deux hadiths, 207 et 208. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas et le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhum ajma'in, radiyallahu anhuma. Et on n'avait pas terminé de lire l'explication de ces deux hadiths. Est-ce que vous les avez appris, les deux hadiths ? تفضل. عن بلاد بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام حجيفة جحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لكم هن لهم لكل ولمن هن لهن ولمن لكل آت أتى نعم عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة كان ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. لو حديد عبد الله بن عمر. حسن، تفضل حسن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهن أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجعفة وأهل النجد من قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهن أهل اليمن من يلملم. رواه البخاري ومسلم. أحسن، بارك الله فيك. Donc lors du dernier cours, on avait expliquer le miqat de Dhul Hulayfa, le miqat de Al-Juhfa et le miqat de Yalamlam avec schéma à l'appui. On s'est arrêté ici. ثم قال المؤلف رحمه الله قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء وقد يقال قرن الثعالب لوجود أربع رواب صغار تسكنها الثعالب وقد أزيلت إحدى تلك الروابي لتوسعة طريق مكة الطائف وبقي الآن منها ثلاث. أما الثعالب فمع توسع العمران هربت عن المنطقة. والقرن هو الجبل الصغير، وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلا. ومن المقاهي والأمكنة التي اعتاد الناس أن يحرموا منها 75 كيلا. والسيل الكبير الآن قرية كبيرة فيها محكمة وإمارة وجميع الدوائر والمرافق والخدمات والمدارس المنوعة. ويحرم من قرن المنازل أهل نجد وحجاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم. قرن المنازل، donc avec une fatha sur le qaf et un soukoun sur le ra. Qarn. Wal-qarn huwa al-jabal al-saghir. Al-qarn, c'est la petite montagne, c'est un petit monticule. Et le miqat de Qarn al-Manazil est plus connu aujourd'hui sous le nom de As-Sayl al-Kabir. As-Sayl al-Kabir. Et sa distance qui sépare le miqat de Qarn al-Manazil à la Mecque est de 78 km. Et si l'on prend la distance de l'endroit exact dans lequel les gens font l'ihram à cet endroit, là où il y a les infrastructures et où il y a les restaurants, etc., eh bien, cet endroit est éloigné de la Mecque de 75 km. Et As-Sayl al-Kabir et quand on dit As-Sayl al-Kabir, ce n'est pas Qarn al-Manazil exactement, mais c'est un endroit qui est tout proche. C'est un endroit qui est tout proche. As-Sayl al-Kabir, actuellement, c'est une grande ville dans laquelle il y a un palais de justice, il y a une sorte de préfecture et il y a tous les services disponibles ainsi que des écoles. Et font l'ihram de Qarn al-Manazil, les gens du Najd, dans la région de l'Est de l'Arabie, tous les pèlerins du Sharq, de l'Est, les gens du Khalij, donc toute la région de des Émirats, etc., les gens de l'Irak et de l'Iran et autres. Donc toutes ces personnes font leur ihram depuis le miqat de Qarn al-Manazil. Wadi Muharram. هذا هو أعلى قرن المنازل وهو قرية عامرة فيها مدرسة وكان لا يحرم منها إلا قلة حتى فتحت حكومتنا طريق الطائف مكة المار بالهدى وجبل الكرى فصار محرما هاما مزدحما فبنت فيه الحكومة مسجدا كبيرا جدا له طرقه المسفلتة الداخلة والخارجة ومواقف السيارات ومكان الراحة وأمكنة الاغتسال ودورات المياه بأحدث تصميم وبناء لهذا المحرم الهام وهو لا يعتبر ميقاتا مستقلا من حيث الاسم لأنه فرع قرن المنازل ويبعد عن مكة 75 كيلا ولولا كثرة تعرجات جبل كرى لكان عن مكة نحو 60 كيلا فقط ويحرم منه من يحرم من الميقات الذي في أسفله ويزيد بحجاج الطائف وحجاج جنوب المملكة الحجازي وحجاج اليمن الحجازي. Wadi Muharram, qui est la partie qui est l'endroit le plus élevé de Qarn al-Manazil. Donc on a dit Qarn al-Manazil, c'est une montagne. Al-Qarn, c'est un petit monticule. Et Wadi Muharram, c'est l'endroit le plus élevé de ce monticule. Et c'est actuellement un village qui est habité et dans lequel il y a une école notamment. Auparavant, les gens ne faisaient pas l'ihram de cet endroit. Mais depuis que les autorités saoudiennes ont construit la route de Taif vers Mecca, qui passe par Al-Hada et par la montagne Kara, cet endroit, Wadi Muharram, est devenu un endroit où l'on fait la sacralisation, un miqat, l'endroit où l'on fait l'ihram, important. Un endroit important et un endroit où il y a maintenant énormément de monde. au point où les autorités saoudiennes y ont construit une très grande mosquée et ont construit également des routes et des places de stationnement, ainsi que des endroits pour se laver et des sanitaires. Wadi Muharram n'est pas considéré comme un miqat à part entière, car c'est en réalité une succursale de Qarn al-Manazil. C'est une succursale de Qarn al-Manazil et il s'éloigne de la Mecque de 75 km. Et si ce n'était les nombreux virages qu'il y a dans la montagne Kara, donc par laquelle passe la route construite par les autorités, eh bien, si ce n'était les nombreux virages de la montagne Kara, Wadi Muharram serait éloigné de la Mecque de seulement 60 km. Font l'ihram de ce miqat ceux qui font l'ihram de Asel Kabir, qui se trouve plus bas, car on a dit que Wadi Muharram c'était l'endroit le plus élevé de Qarn al-Manazil. Et également, font l'ihram de cet endroit les pèlerins de Taif, les pèlerins du sud de l'Arabie et les pèlerins du Yémen al-Hijazi. Le Yémen al-Hijazi, c'est-à-dire ceux qui viennent du Yémen et qui habitent dans les endroits montagneux. Car le Yémen a une longue frontière au sud de l'Arabie. On avait parlé de Yalamlam, qui est utilisé comme miqat pour les gens du Yémen qui viennent en longeant la côte de quelle mer? De la mer Rouge. Et ceux qui habitent au centre du Yémen, notamment dans les endroits montagneux, eux ne vont pas aller jusqu'à la côte pour ensuite remonter vers Yalamlam, mais coupent directement vers le haut et prennent comme miqat le miqat de Qarn al-Manazil. ثم قال رحمه الله تكميل ذات عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير ويسمى الآن الضريبة. قال ياقوت الضريبة واد حجازي يدفع سيله في ذات عرق. والضريبة بفتح الضاد المعجمة بعدها راء مكسورة ثم ياء مثناه تحتية ثم باء موحدة تحتية ثم هاء واحدة الضراب وهي الجبال الصغار. وهذا الميقات لم يرد في حديث الصحيحين، ولكن ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث. قال في الفتح الباري والذي في البخاري عن ابن عمر قال لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. قال فانظروا حذوها في طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قال الشافعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس، وهذا يدل على أن ذات عرق ليس منصوصا عليه. وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك، وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أنه منصوص، وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه، وقد وقع في حديث عائشة وحديث الحارث السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي. وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص عليه لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث. انتهى mulakhasan min fath al-bari. Puis Cheikh al-Bassam rahimahullah fait une remarque pour compléter les mawaqit en parlant du cinquième miqat qui est dhatu 'irq. Dhatu 'irq, qui appelait cela car il y a là-bas un irq qui est également, qui signifie également une petite montagne. Et actuellement, cette montagne est appelée Ad-Daribah. Ad-Daribah. Qui est le singulier de Ad-Darab, qui sont des petits monticules. Quant à ce miqat de Zat-Irq, il n'a pas été rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais il a été rapporté dans certains sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné pour les gens de l'Irak Zat-Irq. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné pour les gens de l'Irak Zat-Irq. Et certains savants ont considéré ce hadith comme étant faible. Certains savants ont considéré le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini Zat-Irq comme le miqat des gens de l'Irak, que ce hadith était faible. Puis Cheikh Al-Bassam cite la parole de l'Hafid ibn Hajar dans son livre Fathul Bari, dans lequel l'Hafid ibn Hajar dit, rahimahullah, et ce qui est rapporté dans le Bukhari selon Abdullah ibn Umar, qui dit que lorsque Al-Kufa et Al-Basra ont été conquis, ils sont venus voir Omar. Donc Al-Kufa et Al-Basra, qui sont deux villes qui se trouvent en Irak. Ils sont venus voir Omar et lui ont dit, ô guide des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini pour les gens du Najd Qarna, c'est-à-dire Qarna al-Manazil, pour les gens du Najd. Wa huwa jawrun an tariqina, alors qu'il est éloigné de notre route. Car l'Irak est au nord-est de l'Arabie. Et Qarna al-Manazil se trouve plus à l'est, décalé vers le sud. D'accord? Donc, s'ils viennent de l'Irak, il faut qu'ils descendent jusqu'en bas pour traverser Qarna al-Manazil et ensuite se diriger à la Mecque. Donc, ça leur faisait un détour et cela était éloigné. Omar radiallahu anhu leur a dit, voyez ce qui s'en approche le plus sur votre route, et il aura alors désigné Dat-Irq. Autrement dit, Omar radiallahu anhu leur a dit, dans votre route, avancez, ou vous dirigez à la Mecque, jusqu'à ce que vous atteigniez l'endroit dans votre route qui est le plus proche de Qarna al-Manazil. Vous avez compris ou pas? Donc, ils sont au nord-est, ils descendent vers la Mecque, et l'endroit du chemin, de leur route qui est le plus proche de Qarna al-Manazil, qui est plus au sud, à l'est, eh bien de prendre cet endroit comme le miqat. Et Omar radiallahu anhu leur a défini l'endroit de Zat-Irq. Et cela est authentique, rapporté par Al-Bukhari. Donc Zat-Irq, une chose est sûre, c'est que la définition de ce, ou la détermination de ce miqat est authentique de Omar radiallahu anhu. Al-Shafi'i a dit, rahimahullah, il n'y a rien d'authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il aurait défini Zat-Irq. Mais c'est un endroit sur lequel les musulmans sont unanimes. Et ceci prouve que Zat-Irq n'est pas rapporté dans un hadith authentique. Et c'est également l'avis de Al-Ghazali, l'avis de Rafi'i dans l'explication du Musnad de l'imam Ahmed, et c'est également l'avis de l'imam al-Nawawi dans l'explication de Sahih Muslim, et c'est également ce qui est rapporté et cité dans Al-Mudawwina de l'imam Malik. Donc un certain nombre de savants considèrent que le hadith où le Prophète sallam a désigné Zat-Irq comme le miqat des gens de l'Irak, que le hadith n'est pas authentique, mais que il fait objet de l'unanimité des gens. Al-Hanafiyyatu, Al-Hanabila et la majorité de Al-Shafi'iyya, eux considèrent que le hadith est authentique. Et cela est rapporté également dans le hadith de Jabir, dans le sahih de l'imam Muslim, sauf qu'il y a un doute sur le fait que cette parole dans le hadith de Jabir, est-ce que c'est une parole de Jabir ou est-ce que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et cela est rapporté également, c'est-à-dire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est désigné d'Atu Irq comme le miqat des gens de l'Irak est cité également dans le hadith de Aïcha et dans le hadith de l'Harith al-Sahmi, les deux rapportés dans le Musnad de l'imam Ahmad, dans les Sunan d'Abi Daoud et de l'imam al-Nasa'i, rahimahumullah, et Cheikh al-Bassam ou al-Hafid ibn Hajar dit que cela prouve que le hadith a une origine. Que le hadith a une origine car il est rapporté de plusieurs compagnons. Puis il dit, Al-Hafid ibn Hajar, qu'il est possible que ceux qui disent que cela n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit parce que ces hadiths ne leur sont pas parvenus, ou soit parce qu'ils considèrent que ce hadith est faible. Ainsi se termine de façon abrégée la parole de Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans l'explication de Sahih al-Bukhari. Et pour information, Cheikh al-Albani, rahimahullah, lui, authentifie ce hadith. Le hadith de Zatu Irq, Cheikh al-Albani, rahimahullah, l'authentifie. Puis, Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit, « Qultu ala kullin, faqad sahha tawqituhu an Umar radiyallahu anhu, fa in kana mansousan alayhi wa jahilahu, fa huwa min muwafaqatihi al-ma'rufa. » وإن لم يكن نص عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد أجمع المسلمون على أنه أحد مواقيت الحج ولله الحمد وقد قمت بشهر محرم في عام 1042 من مكة المكرمة إلى هذا الميقات ومعي الشريف محمد ابن فوزان الحارثي وهو من العارفين بتلك المنطقة ومن المطلعين على التاريخ وقصدي بحث طريق الحج من الضريبة إلى مكة على الإبل فوجدت الميقات المذكور شعبا بين هضاب طوله من الشرق إلى الغرب 3 أكيال وعرضه من الجنوب إلى الشمال 0.5 كيل ويحده من جانبيه الشمالي والجنوبي هضابه ويحده من الشرق ريع أنخل ويحده من الغرب وادي الضريب الذي يصب في وادي مر ويعتبر هذا الميقات من الحجاز فلا هو من نجد ولا من تهامة ولكنه حجاز منخفض يكاد يكون حرة فليس فيه جبال عالية ويقع عنه شرقا بنحو 10 أكيال وادي العقيق ثم يلي العقيق شرقا صحراء ركبة الواسعة حيث تبتدئ بلاد نجد ويحرم من العقيق الشيعة مخالفة لعمر رضي الله عنه الذي جعل ذات عرق ميقاتا والمسافة من ميقات ذات عرق حتى مكة 100 كيل وأشهر الأمكنة التي يمر بها الطريق مكة الرقة وفيها آثار وبركة عظيمة قديمة من آثار بني العباس ثم وادي نخلة الشامية ثم المضيق ثم البرود ثم شرائع المجاهدية ثم العدل وهذا الميقات مهجور الآن فلا يحرم منه أحد لأن الطرق المسفلة في نجد وفي الشرق لا تمر عليه وإنما تمر على الطائف والسيل الكبير قرن المنازل. Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit jeudi. Dans tous les cas, la détermination de ce miqat de Zatu Irq est authentique d'après Omar radiyallahu anhu. Si le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique et que Omar radiyallahu anhu ne le connaissait pas, alors cela fait partie de ses positions muwaffaqah, facilitées par Allah azza wa jal. Et ceci est connu de Omar radiyallahu anhu. Lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu ordonnais aux femmes de se voiler, peu après, l'ayat al-hijab, les versets du hijab sont descendus. Ainsi, Omar radiallahu anhu avait des positions qu'il prenait, qu'Allah azawajal lui facilitait. Donc si le hadith est authentique et que Omar radiallahu anhu ne connaissait pas ce hadith, cela fait partie de ses positions justes qu'il a prises et qu'Allah azawajal lui a facilité. Si le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. » Et parmi les califes bien guidés, il y a Omar radiyallahu anhu. Puis Cheikh al-Bassam dit « Et les musulmans sont unanimes sur le fait que Zat al-Irq fait partie des mawaqit pour le pèlerinage. » Dans tous les cas, c'est un miqat qui est reconnu, que l'on considère le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique ou bien que l'on le considère faible, mais dans ce cas, l'on prend en compte la parole de Omar radiyallahu ta'ala an. Et Cheikh al-Bassam dit que pendant le mois de Muharram de l'an 1402, il est parti de la Mecque jusqu'à ce miqat de Zat al-Irq en compagnie de Muhammad al-Sharif Muhammad ibn Fawzan al-Harithi, qui fait partie des personnes qui connaissent très bien cette région et qui ont une bonne connaissance des faits historiques. Et Cheikh al-Bassam dit, et mon but était de connaître le chemin de Ad-Daribah jusqu'à Mecca en chameau. Et j'ai constaté que le miqat en question, à savoir Zat al-Irq, était un sentier entre des collines. La longueur de ce sentier, d'est en ouest, était de 3 km. Et sa largeur, du nord au sud, était de 500 mètres. Il est délimité du nord au sud par ces collines. Et il est délimité à l'est par Ri'u Ankhal, qui est une montagne. Et il est délimité à l'ouest par Wadi Ad-Daribah. Wadi Ad-Daribah, qui est un fleuve, Ad-Daribah, dans lequel se jette un autre fleuve qui est le fleuve de Mour. Et ce miqat de Zat al-Irq fait partie du Hijaz. Il ne fait donc pas partie de la région de Najd. À 15 km à l'est de ce miqat de Zat al-Irq, il y a le fleuve de Al-Aqiq, Wadi Aqiq, ou la vallée de Aqiq. Et après Al-Aqiq, il y a un désert, et c'est après cette vallée de Al-Aqiq que commence la région de Najd. Qui fait l'ihram de Al-Aqiq? Donc Al-Aqiq, on a dit, c'est à 15 km à l'est de Zat al-Irq. Ce sont les chiites. Pourquoi est-ce qu'ils font l'ihram de Wad al-Aqiq? Car ils veulent contredire Omar radiallahu anhu, qui a considéré Zat al-Irq comme un miqat. Et les chiites, dans leur majorité, insultent Omar radiallahu anhu, qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent. La distance du miqat de Zat al-Irq jusqu'à la Mecque et de 100 kilomètres. Puis, Achir al-Bassam dit que les endroits les plus connus dans lesquels traverse la route Mecca à Raqqa, dans cette route de Mecca à Raqqa, il y a des vestiges des Banu al-Abbas, puis il y a la vallée de Nakhla, puis Al-Madiq, puis Al-Buroud, puis Shara'i' al-Mujahidiyya. Donc ce sont différents endroits qui sont connus et qui sont sur cette route de Mecca à Raqqa. Et Cheikh al-Bassam dit que ce miqat est de nos jours délaissé. Personne ne fait l'ihram de ce miqat. Car toutes les routes construites depuis Najd et depuis l'est de l'Arabie, toutes passent par la ville de Taif et donc par le miqat de Asayl Kabir et de Qarn al-Manazil. Autrement dit, toutes les routes qui ont été construites passe par Taif, donc par le sud-est, on va dire le sud-est Naam de Mecca, qui est Qarn al-Manazil et Sayl Kabir, et non pas le nord-est. Donc les routes passent principalement par, pour rejoindre la Mecque, passent principalement par le sud-est de la Mecque et non le nord-est. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin réellement de ce miqat de Zatu Irq, exception faite, et ceci est une parenthèse, exception faite pour ceux qui viennent du nord-est en avion. Qui viennent du nord-est en avion, dans ce cas, ils passeront à proximité du miqat de Zatu Irq, car ils viendront du nord-est. Or, Qarn al-Manazil, lui, se situe plus au sud-est de Mecca. Donc, ceux qui viennent d'Iran ou d'Irak en avion, s'ils atterrissent à Jeddah, par exemple, ils vont passer plus à proximité de Zatu Irq que à proximité de Qarn al-Manazil. Donc, le miqat de Zatu Irq a plus son utilité pour ceux qui se rendent à la Mecque en avion. Quant à ceux qui s'y rendent à travers les voies routières, eh bien, les routes construites passent par Qarn al-Manazil plutôt que Zatu Irq. Mulahadha, jami'u mawaqit al-ihram awdiyatun 'idham. ولذا فإن الاحتياط أن يحرم الحاج أو المعتمر من الضفة التي تلي مكة من الوادي لئلا يعتبر متجاوزا للميقات. Donc ici, Cheikh al-Bassam dit que l'ensemble des mawaqit, des délimitations, sont des grandes vallées. Pour cela, et il dit, rahimahullah, que la vallée a deux flancs, le flanc droit, le flanc gauche, d'accord? Lorsque tu fais l'ihram avant de traverser le premier flanc, car il est possible que si tu fais l'ihram avant de traverser le deuxième flanc, et même l'ihtiyat, pour prendre ces précautions, il vaut mieux faire avant de traverser le premier flanc. فائدة جاء في قرار مجلس كبار العلماء وهو ما خلاصته بعث الشيخ عبد الله بن زيد آل محمد رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رسائل تتضمن جواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية وقد أحيلت إلى المجلس فاستعرض تلك الفتوى وأصدر ما يلي إن المجلس بعد دراسة الأمور التي وردت في الرسالة يرى أن المسوغات التي استند إليها مردودة بالنصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة، وأنه بعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم عن المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي. Donc ici, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, fait une remarque en disant qu'il a été rapporté dans Al-Qarar, la décision de Majlis Kibar Al-Ulama, des grands savants d'Arabie Saoudite, une décision qui a été émise en 1399, une décision sous le numéro 5730, ce qui suit, que Al-Sheikh Abdullah ibn Zayd al-Mahmoud, qui était le président des al-Mahakim al-Shar'iyya, des palais de justice juridique, et celui qui était chargé des affaires religieuses au Qatar, a envoyé au Malik, au roi Khalid ibn Abdul Aziz al-Saoud, des lettres ou des messages qui comportaient ou qui soutenaient l'autorisation de considérer Jeddah comme un miqat pour ceux qui s'y rendent en avion ou ceux qui s'y rendent en bateau. Car la ville de Jeddah, de Jeddah, on a le droit de dire Jeddah, Jeddah, Jeddah, les trois sont autorisés. La ville de Jeddah est une ville côtière. Elle contient le plus grand aéroport de l'Arabie Saoudite, mais également un grand port. Donc les gens, notamment d'Égypte, se rendent en Arabie Saoudite via le bateau, également les Hujjaj de Somalie, etc. Donc ceux de l'autre rive. Et Cheikh Abdullah ibn Zayd al-Mahmoud, qui était le responsable des affaires religieuses du Qatar, a envoyé une lettre au roi d'Arabie Saoudite à l'époque, Khalid ibn Abdul Aziz, des messages lui prouvant ou disant que Jeddah était un miqat pour ceux qui s'y rendaient en avion ou en bateau. Et bien sûr, le roi d'Arabie, lorsqu'il a des questions religieuses, eh bien, soumet ces questions aux savants de son pays. La réponse de Majlis Kibar al-Ulama, du comité des grands savants d'Arabie, on dit que le comité, après avoir étudié les différents sujets présents dans cette lettre, considère que les arguments qui ont été apportés sont rejetés par les textes et par l'unanimité des salafs, des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et qu'après après être retourné aux preuves et à ce qu'ont cité les savants concernant les différentes délimitations terrestres, et après avoir débattu sur le sujet dans l'ensemble de ses aspects, le comité a donc décidé à l'unanimité ce qui suit. أولا إن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله وإجماع سلف الأمة ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم. Donc à l'unanimité, ils ont répondu premièrement que la fatwa qui émane du Cheikh Abdullah ibn Zayd al-Mahmoud, le président des al-Mahakim al-Shar'iyya, des palais de justice juridique et des affaires religieuses au Qatar, qui prenait l'autorisation de considérer Jeddah comme un miqat pour ceux qui viennent en avion ou par bateau, que c'est une fatwa fausse, car elle n'est appuyée par aucun texte dans le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par l'unanimité des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et il n'a été précédé par aucun savant musulman dont les paroles sont prises en compte. ثانيا لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذ واحدا منها جوا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. الخلاصة من القرار وبهذا انتهى بحثي عن المواقيت المكانية وهو بحث قل أن تجده في غير هذا الكتاب لأنه كتب عن مشاهدة وتطبيق وتحديد على الطبيعة ونسأل الله تعالى التوفيق والعصمة وهو حسبنا ونعم الوكيل. Deuxièmement, donc la décision du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Le deuxième point, ils disent qu'il est interdit de traverser le miqat, de traverser un miqat parmi les délimitations terrestres connues ou de passer à proximité de l'un d'eux, que ce soit en avion ou en bateau, il est interdit de les dépasser sans être en état d'ihram, comme cela est prouvé dans les différents textes et comme l'ont affirmé les savants, rahimahumullahu ta'ala. La réussite provient d'Allah et que le salut d'Allah soit sur notre prophète Mohammed. Fin de citation de la décision de Majlis Kibar al-Ulama. Puis Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit, et bien sûr, il est interdit de dépasser sans être en état d'ihram pour celui qui s'y rend dans l'intention d'accomplir le hajj ou la umra. Car on verra dans la suite du livre que celui qui s'y rend pour autre que le hajj et la umra, qui lui est autorisé bien sûr de traverser le miqat sans être en état d'ihram, comme celui qui s'y rend pour rendre visite à sa famille, ou celui qui s'y rend pour travailler, ou pour commercer ou autre. Puis Cheikh al-Bassam dit, en résumé, voilà le résumé de la décision du comité des grands savants d'Arabie. Et ainsi se termine mon étude sur les délimitations terrestres, qui est une étude que tu trouveras rarement dans un autre livre. Car c'est une étude qui a été écrite de par des choses constatées, des choses appliquées et des choses définies par وتحديد على الطبيعة, qui ont été définies en citant des lieux connus et des lieux existants. Pendant que Cheikh, on voit dans son étude, définit vraiment les délimitations terrestres en disant que c'est délimité par telle montagne, telle vallée, tel fleuve, etc., etc. Et fi'lan, l'étude de Cheikh al-Bassam, rahimahullah, concernant les mawaqit, moi personnellement je ne l'ai pas lu dans un autre livre que celui-ci, de façon aussi précise, sachant que Cheikh al-Bassam faisait partie lui-même de ce comité qui était chargé de vérifier. Ils ont consulté les gens, les anciens notamment, de ces différents mawaqit, pour avoir le plus d'informations possible sur les différents endroits qui délimitent ces différents mawaqit. Nas'Allah at-tawfiq wa al-ismah wa huwa hasbuna wa ni'ma al-wakil. Nous demandons à Allah Azza wa Jal la réussite et la protection, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.